tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Oh, mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout bon? Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60, bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal que je crois. Oh, vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Ah, que voilà bien là, entre ces deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie. Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Oh, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne viens à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partie au monde que je ne trouve, en peu de temps, le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand turc avec la République de Venise. Et oh, il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessein que vous aviez conçu pour Marianne à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligée, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme. Mm-hmm. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit, après dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Oh, comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. Ou donne, c'est pareil, avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une, de nos quartiers, qui a perdu à 30 et 40, 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous mettrons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai point donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Oh, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Oh. Et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Oh, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Oh. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Oh, sur cela seulement? Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Oh, certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Oh, cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, de Paris, des Apollons? Non. De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise à apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Mais je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'y en comprends point et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle, fiéfée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule l'été, leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupe, leurs hauts de chausses tout trombants et leurs estomacs débraillés. Ah, cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Oh, voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue, et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment, vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Que je vous vois marcher. Ah, voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grand, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien, votre fluxion ne vous sied point mal et vous avez grâce à tousser. Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ça lui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Oh, vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez. Et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute chausse attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguillité sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds. Et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu me fais grand plaisir, Frosine. Et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Et je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Non, je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonne heure pour ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir... Je m'en vais, voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Oh, que la fièvre te serre, chien de vilain, tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense.